Des races, ni de rang social, tu es le roi merveilleux, toi qui es la source qui ne tarie jamais, car même ceux qui n'ont pas d'argent viennent puiser en toi. Tu es le roi merveilleux. Pendant que le monde nous pose des conditions, mais à toi nous venons le matin, tu nous reçois. Nous revenons à midi, tu nous acceptes. Pendant que nous dormons, comme étant des morts, tu veilles sur nous, tu nous protèges. Et le matin, nous constatons que tes bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions ne sont pas à leur terme. Tu renouvelles tes bontés chaque matin, Seigneur. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Par nos acclamations, nous te disons, tu es le roi merveilleux. Tu es le roi glorieux. Tu es le puissant de Jacob. Alléluia. Est-ce que nous pouvons bien acclamer pour notre Dieu? Alléluia. Nous allons louer notre Dieu pendant quelques minutes. Nous invitons la chorale ensemble avec l'assemblée. Nous pouvons joindre nos deux mains. Question de louer l'Éternel, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour la gloire de Dieu? Oh, Nous acclamons pour le roi de rois, Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous saluer dans la maison de l'Éternel? Nous pouvons donner la paix à notre voisin, deux personnes, trois personnes. Pendant que nous invitons Papa Désiré, nous pouvons l'encourager aussi avec des acclamations. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Et tu n'as pas été à Kouchapa Kofi. Oh, bravo Seigneur. Oh, Dieu est merveilleux. Ongoni Mwema. Chaque jour, il est merveilleux. Kila siku anakuwa mwema. Il dit il renouvelle ses bontés chaque matin. Anasema anakuwa natilia upya wema wake kila asubuhi. Que Dieu aime faire de nouvelles choses avec chaque personne chaque jour. Ni kusema Mungu anafanya vitu vipya kila siku na kwa kila mtu. Alléluia. Amina. Donc chaque jour, kila siku, tu dois t'attendre à une nouvelle chose avec le Seigneur. Unapasha kungojea kitu kipya toka kwa Bwana. C'est ça l'espérance. Ni hiyo kitumaini. Dieu va faire quelque chose de Mungu nouveau. Mungu atafanya kitu kipya. Et tu marches avec confiance et assurance. Unatembea pamoja kikisho na kitumaini. Nous sommes bénis. Tunabarikiwa cette semaine. Ijuma. Et Dieu nous fait beaucoup de bien. Na Mungu anatendea mema nyingi. Alors avant de continuer, na kabla ya kuendelea, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Nilipenda kumtambulisha mtu. C'est toujours une bénédiction d'avoir des gens comme ça au milieu de nous. Iyo ni baraka kuwa na watu kama na hawa katikati yetu. Pendant ce temps, la technique peut m'arranger un peu le micro. Kwa hiyo wakati wa fundi mitambo atutengeneze kibui. C'est toujours une bénédiction d'avoir des hommes comme ça au milieu de nous. Ni baraka kupata watu kama na hawa katikati yetu. C'est le pasteur, le frère Christopher Kalenga. Yeye ni pasteur frère Christopher Kalenga. Je vais d'abord le dire. Et tunaweza chapa kofi. Oh, c'est là. Il est là depuis le lundi. Eko apa tangesko ya kwanja. Il travaille avec l'apôtre à Paris. Ye anatumika tena na mtume wa ku Paris. Il aime le Seigneur. Anapenda kweli Bwana. Et il sert aussi Dieu à travers la musique. Na anakuwa anamtumikia Mungu kupitia kuimba. Il est le pasteur de l'église de Paris. Yeye ni pasteur wa kwekalu ku Paris. C'est une icône. Il est très calme, il est très concentré dans le Seigneur. Mais il fut lauréat de Majabu. Et il sait chanter. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et tu n'as chapa kofi. J'ai eu des gens qui m'ont appelé de l'homme et dit, mais pasteur. C'est ma pastori. Est-ce que vous comprenez et que le frère Christopher est au milieu de vous? Christopher est au kati kati. Comme je ne suis pas très branché, que Dieu me pardonne. Mungu apate kunirumia. Alléluia. Amen. Alors, nous lui donnons jusque 18h juste. Ça peut marcher comme ça. Ok, pendant qu'il s'approche, wakati anasogea, et tu naweza shangilia Bwana. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Acclame le roi des rois, pas moi. On acclame celui qui vit et qui règne. Amen. Amen. Amen. Je n'aime pas les moments où on parle de moi. Amen. Je bénis le Seigneur qui nous fait la grâce. Merci, Papa Désiré, pour l'opportunité qu'il nous accorde. Je dis aussi merci à l'apôtre que j'accompagne, mon père, pour ce temps. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Amen. Ma prière est juste que tu passes encore des merveilleux temps dans la présence du Seigneur, que tu réalises que Dieu est là, que tu réalises les bontés de Dieu, que tu réalises les bontés de Dieu. Lorsque nous nous rassemblons dans des moments comme ça, c'est pour réaliser en communauté que Dieu est bon. Et lorsque tu manques des mots, essaye d'écouter la prière de ton frère. Tant au malobé, essaye d'écouter la prière de celui qui est à côté de toi. Essaye de voir les raisons qui peuvent te pousser à témoigner que Dieu est fidèle. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois qui nous donne la vie, celui qui nous donne la grâce, celui qui nous donne la paix, celui qui nous donne la paix. Je vais aussi faire comme l'apôtre. Je bénis le Seigneur aussi pour ma femme qui est certainement en train de nous suivre. Elle est aussi une bénédiction pour moi. Je bénis le Seigneur pour toute la communauté Centre de Réveil Paris. Et je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse chorale qui nous accompagne depuis les débuts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette chorale? J'aime. Nous allons bénir le Seigneur. Matondonayo Kolo Bonambola Mou Wayo Ofungoli Biku Kebwayo Ope Sibi Sonzela Yaku Kota. Simba mote manayo matondo matondo na kono ona bola kubayo ofongo lili kuke bayo ope sibi so. Notre victoire. reçois l'adoration, reçois l'adoration. Tu es le roi, tu es le roi, notre victoire. Tu es tous Emmanuel. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Pousse tes cris de joie, pousse tes cris de joie. Pousse tes cris de joie, pousse. J'attends que tu pousses tes cris de joie. J'attends que tu célèbres le roi des rois. Yes, célèbre, célèbre, célèbre, célèbre. Célèbre, célèbre. Tongo etana, butu eina. Gembo nanzambo, etoni mokili. Mokile lingile yeba. Wapin zambe nabi keke. Zane mo sikateo, afana na mote mananga, afana loko na mokolo lopango, azoko, azoko lo beta molo, lo beta molo, lo beta molo. Yes! Est-ce que tu peux danser pour le roi des rois? Est-ce que tu peux danser pour le roi des rois? Pour la kini batou, ma fani wana. Regarde si ton voisin est assis, demande-lui aux hommes là. Est-ce que tu peux te tenir debout dans la présence de Dieu? Yes! Yes! Je t'attends, je t'attends. Mokili patuna kangai wapinza mbena yo nayanoli na lolendo afandi na kembo enga mbeno bali zamo ya zonga kasimate tika na betela ye molelo afandi na kwembe oku mama ya we yes oku mama ya we oku mama ya we Solo la canaba zete, oyo kaka monoko ya banyama. Zamo yo so ezoko sa, ezayo mwana nzambe. Zamo ya selenge moyi, eko makape ya kalate. Ebongo binoko ya mokili, eko makoko maya kala. Kumama nanu mwata wanwe, kumama nanu mwata wanwe, kumama nanu mwata wanwe. Chika na yembe la ye nzembe. Écoutez, vous êtes un massia, vous êtes un mokili, le silama, la belama ya bombo, asipani moulou ya motema, la tika koluka luka bi baby so, la zoro ya motia, le soupaouli na kaya tano, le zaye le soupa, le kouma mama nanzane, le kouma mama nanouba, le kouma mama nanouba. Yes. Mama, Commence à parler à Dieu là où tu es. Prends quelques minutes et parle à Dieu, parle à Dieu. Prends quelques minutes, adore le Seigneur. Fais-le comme tu le sens. Tu peux le faire avec tes mots, tu peux le faire avec tes mains. Mais prends quelques minutes, adore Dieu. Parle au Seigneur ce soir. Élève ta voix et parle à Dieu. Dis à Dieu, c'est toi qui mérites. Dis à Dieu, nul n'est égal à toi. Parle à Dieu. Quelqu'un peut parler à Dieu ce soir? Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as à lui dire. Mais sois en train de lui parler. Sois en train de l'élever. Sois en train de le magnifier. Sois en train de l'exalter. Quelqu'un élève sa voix et parle à Dieu. Labasada da baya. Erebasata la la la baya. Loide perre di basate. Rabasata la la la baya. Loplaide mere de balabasate. Maide parabalabasande le le babosete. Lofai de glare rabasande le baya. Rabasopere de le baya. Rabababosa parada la baya. Loi de pere de le babosete. Rada la basate. Nala la basande. Pai de prede a satalabaya. Utilise tes mots et parle à Dieu. Sois en train de le louer. Sois en train de lui dire merci. De t'avoir amené en décembre. Et certainement il t'amène en 2026. Je suis en train de déclarer ce soir que Dieu soit reconnu pour vrai dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Je disais que Dieu soit reconnu pour vrai dans la vie de quelqu'un. Que Dieu soit reconnu pour vrai dans la destinée de quelqu'un. Que Dieu soit reconnu pour vrai dans la famille de quelqu'un. Que le Seigneur fasse tellement de grandes choses au point de te bénir et de te faire du bien. Que ce mois de décembre soit un mois de grandes visitations. Que ce mois de décembre soit un mois de grandes visitations. En ce mois de décembre, que tu témoignes la fidélité de Dieu. En ce mois de décembre, que tu témoignes les bontés de Dieu. En ce mois de décembre, que le ciel s'ouvre et que Dieu te fasse énormément du bien. Là où tu es en attente de la part de Dieu, que l'Éternel vienne et qu'il te surprenne. Que l'Éternel vienne et qu'il te console. Que l'Éternel vienne et qu'il t'apporte de la vitesse. Si tu attends un enfant, que Dieu te le donne. Si tu cherches un travail, que Dieu te le donne. Si tu cherches une stabilité, que Dieu te le donne. Que les saisons changent au nom de Jésus. Que les saisons changent au nom de Jésus. Que les saisons changent au nom de Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux donner à Dieu une offrande d'acclamation? Est-ce que tu peux donner à Dieu une grande offrande? Une offrande d'acclamation. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est béni d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un est béni d'être dans la présence de Dieu? Si tu es béni d'être dans la présence de Dieu, tiens-toi debout. Et aide-moi à saluer sept personnes avec une parole de bénédiction. Si tu ne connais pas le prénom, tu peux demander. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et tout ce que Dieu fait est bon. Hallelujah. Jésus est merveilleux. Yes, ni mwema. Et il fait des grandes choses au milieu de son peuple. Il est écrit, il est doux et agréable que les frères se retrouvent ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à 27 jours pratiquement. Nous sommes à 27 jours. Avant de pouvoir entrer dans une nouvelle année. L'année 2026. 2025 a été rapide. Il n'y a pas longtemps, on était au réveillon de 2025. Et nous voilà en train de nous préparer au réveillon de 2026. Je sens dans mon cœur de bénir quelqu'un avant de prêcher. Que ces 27 jours avant la fin de l'année soit pour toi 27 jours de recharge. Que ces 27 jours avant 2026 soit pour toi 27 jours de réajustement. Que ces 27 jours avant 2026 soit pour toi 27 jours de réorganisation. Que Dieu te fasse grâce de réunir toutes les conditions afin que 2026 soit la meilleure de tes années. J'ai dit que Dieu te prépare afin que 2026 soit la meilleure de tes années. Tu ne me donnes pas un bon amen. Je t'annonce que ça sera la meilleure de tes années. Tu as tellement appris en 2025. Dieu t'a tellement forgé en 2025. Dieu a disposé des gens stratégiques en 2025. Pour que 2026 soit l'année de l'explosion. Et ça va finir par marcher. J'ai dit ça va finir par marcher. Tout n'a peut-être pas été réuni. Comme hier Dieu m'avait parlé. Pour dire à quelqu'un que rien n'est fini. Tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Au nom de Jésus. Dis après moi, c'est pour moi ces déclarations. C'est pour moi ces déclarations. Ma joie elle est très grande. D'être au milieu de vous. C'est une grande grâce que Dieu me fait. De me retrouver ici. Depuis quelques temps, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a permis de voyager dans le monde entier. Mais c'est un double honneur lorsqu'on voyage pour la cause du royaume. Lorsqu'on sait qu'on est en train d'aller faire du bien à quelqu'un. Et il n'y a pas une plus grande bénédiction que de pouvoir servir le Seigneur. Dans son enfance, dans sa jeunesse, comme dans sa vieillesse. C'est-à-dire, il n'y a pas de vie en dehors du fait de servir Dieu. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais servir Dieu est le métier le plus noble qui existe. Parce que c'est un métier qui donne la vie. Un jour, je me retrouve dans l'avion. Et alors que nous étions en train de s'asseoir, Et à côté de moi, il y avait une très grande star, un multimillionnaire. Et j'ai vu quelqu'un rentrer. Et quand cette personne rentre, je pensais que cette personne allait aller vers la personne qui était à côté de moi. Parce que c'est quelqu'un de très connu, une grande célébrité. Et cette personne vient vers moi pour me demander la prière. J'étais surpris. Me dire pourquoi elle n'est pas allée de l'autre côté. Et Dieu m'a laissé comprendre. Il n'est pas allé à côté de cette star parce que cette star n'a rien fait pour lui. Elle le suit à la télé, mais il n'a rien fait pour lui. Mais toi, ta vie est une bénédiction pour lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta vie est une grande bénédiction pour plusieurs. Continue de servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame Jésus. Shangilia Yesu. Comment ne pas bénir Dieu pour la vie de notre papa? L'ange de la maison. Malaika wa nyumba. Pour son cœur. Kwa ajili ya moyo wake. Son dévouement. Kujipana kwake. Mais surtout sa grande humilité. S'il y a des choses qui m'édifient et qui vont continuer à m'édifier jusqu'à mon retour, c'est surtout la qualité de son cœur. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu, quand j'aurai son âge, fais-moi grâce d'avoir la même passion. Fais-moi grâce d'avoir le même dévouement. Je suis dans le ministère depuis tout très jeune. Toute ma vie, j'ai servi le Seigneur. Et voir quelqu'un grandir dans le Seigneur, avec tous les challenges que nous avons déjà traversés, quelqu'un grandir dans le Seigneur, être passionné de la prière, être passionné de Jésus, c'est une grâce que nous prions que Dieu nous fasse aussi. Papa, nous sommes très bénis de t'avoir. C'est un grand honneur pour nous. Mais c'est aussi un repère pour nous. De savoir que le Dieu de notre jeunesse sera le Dieu de notre vieillesse. Sera le Dieu de notre soir. Et il ne changera pas. Merci de faire de ton Dieu notre Dieu et de croire qu'après toi ce travail va continuer au travers des sémences et l'impulsion que tu donnes à cette génération que Jésus est en train d'élever. Mon épouse et moi, nous sommes très frappés et par elle, nous voulons vous dire avec maman que nous vous aimons énormément. Vous êtes vraiment dans notre cœur. Et venir à Likasi ne sera pas seulement pour prêcher, mais aussi pour vous rendre visite. Est-ce qu'on peut m'aider à se tenir debout et apprécier la vie de notre papa? Est-ce que tu peux te tenir debout de là où tu es? Est-ce qu'on peut se tenir debout encore une fois afin d'honorer la grâce, afin d'honorer les cœurs et ce grand homme qu'il est pour la ville et pour le corps du Christ? Fais-le très bien, fais-le très bien. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Prends 30 secondes et parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. Seigneur, localise-moi ce soir. Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Quelqu'un lève sa voix et parle à Dieu. Arabaraba chande. Foy de bras sont mêlés des baillants. Karababa bossende. Maline de basabra de la baillant. Nous voulons t'écouter, être béni par toi, être visité par toi. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre les contrôles dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai compris, Seigneur, que tu es un bon. dans le nom de Jésus. Merci Dieu de grâce. Merci, Lo fly de guerre de baya, Maria capara mandala sauve de glam, l'esta barra da baha capara baya, Mantala barra gada da baha sedeba, Rocata baridi de babo sandin, Lo fly de clear rababa babo sete, Rababa babo sandala babo sete, Lo fly de clear rababo sanda rababa babababa bam, Manteleva de cloy de meredia la sate, merci de nous bénir. Merci de nous visiter. Merci de nous faire du bien. Dans le nom de Jésus, nous disons trois fois Amen. Amen, Amen, Amen. Acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le frère qui était à la batterie, s'il peut retourner à la batterie. Je disais que le nom du Seigneur soit béni. Depuis le début de cette semaine, le Seigneur ne cesse de nous faire du bien. Quelqu'un est béni depuis lundi. Je disais, quelqu'un est béni depuis lundi. Et nous sommes toujours en train de parler de ce grand thème intitulé Va avec la force que tu as, ou encore va avec cette force que tu as. Et depuis trois jours, le Seigneur nous a conduits comme un général conduit ses soldats, étape par étape, pas pour nous parler au hasard, mais dans l'objectif majeur de nous bâtir. Et le premier jour, nous avons parlé de la semence divine, en expliquant que nous ne sommes pas sur terre pour improviser. Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, Dieu ne passe pas par tout le monde. Dieu choisit une catégorie de personnes qu'on appelle les porteurs de la semence divine, afin de pouvoir accomplir ses desseins. Il dépose quelque chose, pas lorsqu'on est, mais avant même que l'on naisse. Dieu a un plan bien précis pour la vie de chaque personne. David va même dire dans le psaume 139 que je n'étais qu'une masse informe, tes yeux étaient en train de me voir, et tous les jours qui me sont destinés sont inscrits dans ton livre. Et hier, nous avons expliqué que cette semence peut être existante, mais elle peut s'endormir. Nous nous avons parlé du réveil, de la force qui est enfouie. Cette force peut être réelle, existentielle, mais elle peut être enfouie ou cachée. L'homme peut porter du ciel de grandes choses, mais vivre comme si rien n'était, vivre comme si rien n'a été fait. Et nous avons vu un Gédéon qui était un homme grand dans l'invisible, mais il était petit dans l'histoire. Un homme destiné à renverser des nations, mais il était dominé par la peur. Il était emprisonné par son héritage, mais il avait aussi une mauvaise perception de Dieu. Et ce soir, nous serons en train de progresser dans un sous-thème que s'intitule Aplanir la montagne de la sécheresse. Parce que lorsque la force s'éveille, la Bible est en train de dire, Dieu parle à Gédéon. Il prend conscience de la force qui était enfouie à lui. Mais la force que Dieu lui a donnée, vous serez d'accord avec moi, c'est une force pour battre Madian. Mais la réalité de l'histoire, c'est que Gédéon n'est pas allé directement battre Madian. La réalité de l'histoire, c'est que Gédéon n'est pas directement allé pour combattre Madian. Dieu l'appelle à être général de son armée. Dieu l'appelle à être général de son sang. Il ne lui apprend pas d'abord les maniements de l'épée, mais il lui donne d'abord un mandat interne. Notre texte de base de ce soir est sur le livre de Juges 6 au 26e verset. Quelques versets après, notre verset de base, il y a un nom qui traverse mon esprit. C'est le nom de Kasamba. Je ne sais pas si cette personne est ici ou est de l'église. Mais s'il est là, Dieu a une parole pour lui. Je vais enseigner et ensuite je vais le libérer cette parole. Juges 6, le verset 25. On peut nous aider à la lecture. Il doit s'appeler Paul. Juges 6 au verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Très bien. Et abat les pieux sacrés qui est dessus. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Il est là quoi, Baba Yako? Et fais quoi? Une autre version dit: bâtis-moi un hôtel sur le sommet du rocher. J'aime Dieu et j'aime la manière de Dieu de faire. Lorsque Dieu commence une mission avec toi, Dieu prendra le soin de les rendre parfaits. Lorsque Dieu commence un mandat avec toi, Dieu prendra le soin de t'amener à réussir. Et la Bible est en train de dire, une fois que la force s'éveille et avant que cette personne aille combattre, Dieu lui a dit: non, n'y va pas encore, traite d'abord des problèmes en interne. Pourquoi Dieu demande à Gédéon de renverser l'autel de son père? Parce que Dieu savait que si l'autel de son père n'était pas renversé, cet autel allait transformer sa force à une dette spirituelle. Car dans les règnes de l'esprit, l'autel est un objet de réclamation. Ce que tu laisses sera en train de te réclamer. L'autel de son père te tenait un droit sur sa destinée. Dieu n'a pas voulu l'envoyer comme ça, parce que Dieu savait que l'autel de son père te tenait un droit de réclamation. Dieu savait que l'autel de son père détenait un droit de poursuite, un droit d'interruption. Dieu voulait dire à Gédéon: c'est vrai que ta force s'est réveillée, mais il te sera difficile de réussir ta mission si tu n'as pas encore traité les combats des origines. Il y a des gens qui auront du mal à aller de l'avant s'ils n'arrivent pas d'abord à traiter les problèmes de leurs origines. Les combats des origines est l'une des batailles les plus estimes de la vie d'un homme. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir la puissance, tu peux avoir une prophétie, mais si tu ne traites pas les combats des origines, la force que tu as peut se retrouver être menacée. La force que tu as peut se retrouver être troublée. Dans chaque hôtel, il y a toujours un système. Un système de réclamation qui approuve ou qui désapprouve. Je vais expliquer rapidement comment un hôtel fonctionne. J'ai besoin de trois personnes rapidement, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle du fonctionnement de l'hôtel, il est important de savoir que l'hôtel est un automatisme spirituel. Abraham avait compris ce que Dieu avait dit à Gédéon. À Gédéon, Dieu avait dit de détruire l'hôtel de son père et de rebâtir un autre hôtel. Mais Abraham, Dieu ne lui avait rien dit. C'est par son instinct de prophète. La Bible déclare que l'Éternel rencontre Abraham. Il dit Abraham, quitte la maison de ton père. Parce que Dieu a toujours un problème avec les origines. Les origines entrent dans les lois spirituelles. Et les lois spirituelles, c'est les lois de Dieu. Et Dieu se soumet lui-même de ses propres lois. Comment un hôtel familial fonctionne? Supposons que ça, c'est de l'argent. Si dans l'hôtel de ta famille, il est dit que vous n'aurez jamais l'argent, il est dit que vous n'aurez jamais des opportunités financières, l'hôtel de la famille instruit à des entités spirituelles que si cette personne arrive à toucher de l'argent, l'hôtel doit l'arracher, arrache-lui. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est un automatisme. À chaque fois qu'il touchera l'argent, l'hôtel va l'arracher. Parce que dans le monde spirituel, il existe un principe qu'on utilise aussi dans le droit civil ou même pénal. On appelle le principe de l'accord à l'amiable. Où deux personnes se mettent d'accord sur un sujet, et le juge se soumettra à l'accord qu'ils ont convenu. Et dans le monde spirituel, certaines origines ont des accords avec le monde spirituel de ne pas vivre certaines choses. Et dans la famille d'Abraham, il y avait quatre hôtels. Il y avait premièrement la mort précoce, parce qu'Abraham avait perdu son petit frère un chapitre avant. Dans la famille d'Abraham, il y avait l'hôtel de la stagnation, c'est-à-dire que les gens devaient seulement tourner en rond. Voilà pourquoi à 75 ans, il était encore dans la maison de son père. Dans la famille d'Abraham, il y avait l'hôtel de la stérilité. Voilà pourquoi même ses enfants ont été attaqués dans cela. Dans la famille d'Abraham, il y avait l'hôtel de l'inachèvement des projets. Voilà pourquoi son père n'est jamais arrivé à Cana, il s'est arrêté à Charan. Parce que l'hôtel instruit le monde spirituel. À chaque fois qu'il aura à faire quelque chose, il faut qu'on le lui arrache. Et il y a des familles où il y a des hôtels de divorce. À chaque fois que quelqu'un se marie, il doit finir par divorcer. À chaque fois que quelqu'un trouve un travail, on doit toujours les licencier. Parce que c'est l'hôtel qui demande ça. Et qu'est-ce qu'Abraham a compris? Quand Dieu lui a dit sort, du premier au troisième verset du chapitre 12, Dieu lui donne des promesses. Au septième verset, Dieu lui parle pour la deuxième fois, pour lui dire je vais encore te bénir. Mais qu'est-ce qui se passe? Abraham savait très bien que toute opportunité qui peut venir vers lui rencontrera l'autel et la maison de son père. Quand Abraham a reçu la promesse de Dieu, sachant que l'autel de son père allait arracher ses promesses, Abraham a dit je ne peux pas laisser ça passer comme ça. Si l'autel de mon père risque de me réclamer, je dois aussi élever un autre l'autel. Pour que quand l'autel de mon père me réclamera, que l'autel de Dieu aussi me réclame. Pour que la bénédiction ne soit jamais arrachée. Je prie au nom de Jésus que Dieu te donne la sensibilité de détruire les autels capables de t'arracher la bénédiction. De détruire les autels capables de t'arracher la prospérité. Donne-moi un amen puissant. Et c'est pour cela que Dieu dit à Gédéon, ne va pas d'abord. Parce que si tu y vas, ce que tu laisses derrière toi peut être une dette. L'autel peut te réclamer. L'autel peut te sanctionner. Quelqu'un me dira, mais apôtre, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons reçu le salut. Comment l'autel peut encore me réclamer? Comment le jugement de la terre peut encore me réclamer? La Bible déclare dans Luc 23. Jésus était à la croix. Et un des brigands dira à Jésus, quand tu seras au paradis, souviens-toi de moi. Jésus dit à ces brigands, aujourd'hui même, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même, tu seras sauvé. Aujourd'hui même, tu reçois ton salut. Mais ce qui m'intrigue dans cette, cet homme a reçu le salut, mais il est mort comme un brigand. Il a reçu le salut, mais il n'a pas effacé les jugements des hommes. L'autel est ta responsabilité à pouvoir les renverser. Parce que tu peux avoir le salut, tu peux avoir la promesse, tu peux avoir une grande destinée, mais si tu ne renverses pas l'autel, tu peux te sentir challengé, tu peux te sentir combattu, ton esprit peut être sauvé, ton esprit peut être sauvé, tu peux recevoir beaucoup de prophéties, mais l'autel de la maison de ton père peut réclamer l'échec dans ta vie, peut réclamer la pauvreté dans ta vie, peut réclamer les divorces dans ta vie, peut réclamer la maladie dans ta vie. Le salut en Christ n'annule pas automatiquement les autels, mais elle nous donne la révélation et l'autorité sur les autels. Je reçois le salut et je reçois la révélation. Je reçois la force de pouvoir renverser les autels. Voilà pourquoi Dieu parle à Gédéon. Tu as reçu la force, mais avant d'aller combattre, renverse les autels. Voilà pourquoi avant qu'Abraham puisse bâtir un empire, il a d'abord bâti un hôtel. Nous nous comprenons que la première bataille de Gédéon, ce n'était pas contre Madian. La première bataille de Gédéon, c'était contre la maison de son père. Si il arrive à vaincre les batailles de la maison de son père, potentiellement il va vaincre Madian. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un, Dieu te donne les victoires sur les combats internes de ta maison, mais il te donne aussi la victoire sur des combats externes. Tu ne me donnes pas un bon amen. Dieu te donne la victoire sur des combats internes, mais aussi sur des combats externes. Derrière beaucoup d'échecs, derrière beaucoup de lourdeurs, derrière beaucoup de difficultés, il y a aussi des dettes spirituelles qui sont rattachées au combat des origines. Beaucoup de personnes ont vu leur ministère s'écourter. Beaucoup de personnes ont vu leur onction s'écourter. Pas parce qu'ils n'aimaient pas Dieu, mais pas parce qu'ils n'étaient pas forts, mais parce qu'ils n'avaient pas traité les combats des origines. Dans le règne de l'esprit, aucun axe de nos origines n'a pas de conséquences. Dans le règne de l'esprit, Tout ce qu'un homme fait, tout ce qu'un ancêtre fait, est toujours attaché à sa lignée. Il y a des choses que tu vas vivre dans ta vie. Ça ne sera pas toi. Ça sera quelqu'un d'autre qui a eu à faire cela. Et qui a eu un impact sur ta vie. La famille de Gédéon était retrouvée aussi parmi les plus pauvres. Parce qu'elle était sous un autel. Elle était sous quelque chose. Il y a des choses que tu vivras en 2026. Ce n'est peut-être pas tes efforts. C'est l'effort de quelqu'un il y a plusieurs années. L'auteur du livre des Hébreux est en train de dire que c'est par la foi que Lévi a donné à Melchizedek la dîme de tout. Est-ce que Lévi avait rencontré Melchizedek? Lévi a rencontré Melchizedek. Lévi n'a jamais rencontré Melchizedek. Lévi a rencontré Melchizedek. Lévi est fils de Jacob. Lévi a rencontré mon Jacob. Jacob est fils d'Isaac. Jacob a rencontré toi Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Isaac a rencontré mon Abraham. C'est à cause de l'axe qu'Abraham avait fait que Lévi a été bénéficiaire jusqu'à accéder dans la sacrificature. Je suis en train de dire à quelqu'un qui sert à source féconde. Les choses que tu es en train de faire dans cette maison ne va pas seulement profiter à ta fille, ça va aussi profiter à tes enfants, ça va aussi profiter aux enfants de tes enfants. Je parle à quelqu'un qui sert à la chorale, qui sert aux médias, qui sert au nettoyage, qui sert à la prédication. Quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu ne le fais pas pour toi, tu le fais aussi pour tes enfants. Jésus m'est apparu il y a plusieurs années afin de pouvoir les servir. Je n'étais pas emballé de servir Dieu parce que j'avais mes ambitions, j'avais mes objectifs. Je voulais devenir footballeur, je voulais vivre comme tout le monde. Mais je me rappelle toujours que ma mère me disait, toi lorsque tu étais un enfant, je t'avais dédié à Dieu. Et un jour elle me raconta même pourquoi elle m'a donné le prénom de Michael. Elle m'a dit, c'était dans une réunion de prière et on avait fait un appel de fond, et lorsque j'avançais j'étais enceinte de toi, et ce prophète a commencé à prophétiser sur l'enfant qui était dans mon ventre. Cet homme de Dieu a commencé à dire, cet enfant va servir Dieu, il va aller de l'avant, il va voyager dans le monde entier. On devait te donner un autre nom. Et c'est quand je suis rentré à la maison, j'ai voulu te donner le nom de ce prophète là. C'est une histoire que je ne connaissais pas. Les années sont passées, beaucoup de réalités me sont arrivées, les combats sont maintenant traversés, mais j'ai toujours senti au-dedans de moi l'autel de Dieu me réclamait, l'autel de Dieu me cherchait, l'appel de Dieu être sur mes trousses. Parce qu'il y a quelqu'un avant que je naisse avait posé certains actes. Je parle à un serviteur et à une servante de Dieu. Tes enfants ne s'appelleront pas à l'appel de Dieu. Ta récompense sera de voir tes enfants servir Dieu. Ta récompense sera de voir tes enfants devenir des grands partenaires du royaume. Ta récompense serait tes enfants devenir millionnaires et soutenir l'œuvre de Dieu. Oh, donne-moi un amen puissant. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Mais il sait aussi de noter, cette réalité n'est pas seulement positive, cette réalité est aussi négative. Les actes qu'ont commis les pères, ont commis les ancêtres, peuvent aussi causer beaucoup de malheurs aujourd'hui. Les actes qu'ont connus ceux qui ont vécu avant nous peuvent aussi t'apporter beaucoup de combats. Lamentation 5:7 est en train de dire, nos pères ont péché, mais c'est nous qui portons leurs péchés comme des habits. Depuis la mort de Jésus jusqu'aujourd'hui, chaque personne a eu au moins 4000 ancêtres. Et dans les 4000 ancêtres, pour certains jusqu'à 2-3 générations, ils étaient encore dans des familles d'idolâtres. Ils étaient encore dans les familles de faux dieux. Ils croyaient encore à la sorcellerie, à la magie ancestrale. Et certains actes qui ont été posés à ce niveau-là peuvent avoir des répercussions jusqu'aujourd'hui. Ce texte de Gédéon est en train de nous prouver une réalité fondamentale. Recevoir une prophétie, ça ne suffit pas. Recevoir une promesse de Dieu n'est pas suffisant. Tu peux recevoir des paroles, mais si la réalité de l'autel est vivante, cette réalité peut te chercher. Cette réalité peut te chercher. Les actes des pères ont détruit beaucoup d'enfants. Dans Deux Rois, on parle de l'histoire des fils des prophètes. La Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire. Qu'un jour la femme des fils des prophètes est en train de venir vers le prophète Élisée. Pour dire que mon mari était prophète. Mon mari t'a servi durant toute sa vie. Sa femme va même dire il craignait Dieu. Mais voilà les créanciers. Fait faire de mes enfants des esclaves. Des enfants qui avaient des ambitions. Des enfants qui avaient une volonté. Mais à cause des actes de leur père, ces enfants sont à deux doigts de passer à côté de la prophétie. Sont en train de passer à côté de leur ambition. Parce que quelque chose était fait. Ne prends jamais à la légère les combats des origines. J'ai vu plusieurs hommes de Dieu avoir l'onction et servir Dieu, mais au soir de leur vie finir idolâtre. J'ai vu plusieurs personnes faire de grandes choses, mais à un moment de leur vie finir ivrogne. J'ai vu des gens aimer Dieu, aimer l'église, mais à un certain moment ils deviennent polygames. Parce qu'il y a une bataille spirituelle qui devient une dette dans le monde de l'esprit. Et cette dette te combat constamment. Voilà pourquoi la sagesse de Dieu a amené Gédéon à lui dire: ne prends pas à la légère les combats des origines. Tu as reçu l'onction, tu as reçu la force, mais tu dois aplanir une montagne. Si tu n'aplanis pas cette montagne, ça ne sera pas bon. La maison de ton père a une montagne de pauvreté. La maison de ton père a une montagne de sécheresse. Voilà pourquoi vous êtes les plus petits de Manassé. Il faut renverser cet autel. Quel est l'autel dans la maison de ton père? Quelle est la montagne dans la maison de ton père qui n'est pas encore à planir? Je suis en train de t'annoncer comme prophète ce soir. Cette montagne sera à planir. J'ai dit, je suis en train de t'annoncer ce soir. Cette montagne sera aplanée. La montagne de la sécheresse est une des montagnes les plus stratégiques. La montagne de la sécheresse est une des montagnes qui amène beaucoup d'humiliation. J'ai l'habitude de dire dans mon église, les plus grandes humiliations dans ta vie proviendra de la sécheresse, proviendra du manque d'argent, proviendra du manque. Et si cet hôtel n'est pas détruit, ta vie aura des complications. Ça amène Gédéon à remettre beaucoup de choses en question. Il demande à l'ange: mais si Dieu est avec nous, pourquoi on est pauvre? Si Dieu est avec nous, pourquoi on n'a pas d'argent? Lorsque la montagne de la sécheresse est aplanie, la bénédiction devient une vitrine de la présence de Dieu dans ta vie. Tu sauras largement mieux vendre ton évangile. Ta sagesse aura la crédibilité. L'Ecclésiaste peut dire: la sagesse du pauvre est méprisée. Il y a des gens que tu ne gagneras jamais par la prédication. Il y a des gens que tu ne gagneras jamais par les miracles. Il y a des gens que tu gagneras par la qualité de ta vie. Lorsqu'ils verront la qualité de ta vie, ils sauront que Dieu marche avec toi. Lorsqu'ils verront la qualité de ta vie, ils sauront qu'il y a quelque chose de différent. N'est-il pas écrit: l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Il y a des hommes qui vont venir dans ta vie parce que la qualité de ta vie a pris un autre standard. Je suis en train de prier ce soir que la montagne de la sécheresse soit aplanie au nom de Jésus. Que Dieu te donne suffisamment assez de moyens afin de pouvoir crédibiliser ton message, afin de pouvoir rendre crédible ton message. Donne-moi un amen puissant. Joue-moi autre chose. Donne-moi un amen puissant. Dis avec moi les dettes spirituelles. Dis avec moi les dettes spirituelles. Une dette spirituelle peut devenir un élément de réclamation de toute une destinée. Voilà pourquoi ce soir nous allons aplanir ces montagnes. Pour parler des dettes, je vais vous parler de trois types de dettes qui peut amener quelqu'un à ne pas entrer pleinement dans sa destinée. Hier, en parlant de Gédéon, j'ai parlé d'un type de dettes. Ce sont des dettes qu'on contracte par nous-mêmes. Lorsque vous regardez la vie de Gédéon, il a contracté des choses par lui-même. Il a témé des choses par lui-même. Il a tiré des résolutions par lui-même. Il a posé des actes par lui-même. Alors que Dieu l'appelait vaillant héros, lui, il était allé au pressoir du vin. Alors que Dieu l'appelait à des grandes choses, lui, il vivait dans la paix. Les actes que tu poses aujourd'hui peut-être des blocs, des dettes qui peuvent te réclamer à ne pas entrer. Non, pose, répond à la loi de la semaille. Ce que tu sèmes aujourd'hui, tu le récolteras demain. Si tu sèmes le mal aujourd'hui, tu récolteras le mal demain. Si tu sèmes l'indiscipline aujourd'hui, tu récolteras demain l'indiscipline. Tu peux croire que tu es jeune. Tu dis: je vais sortir avec un homme marié. Je vais avoir 3-4 copains. Ce que tu fais aujourd'hui, demain on te le fera. Les actes que tu poses aujourd'hui sans te rendre compte, ça peut être des grands blocages pour ne pas expérimenter la force que tu as. Ça peut être des grandes limitations pour ne pas vivre des grandes choses. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent vivre des grandes choses, mais ils ont posé des actes qui les sanctionnent. Ils ont fait des vœux qui n'ont pas exaucé. Ils ont fait des vœux qui n'ont pas honoré. Un jour, on me raconte une histoire. Une fille avait un copain. Quand ils étaient encore à l'école, supposons qu'ils sont à Likasi, les deux ils sont en train d'étudier. Et à un moment donné, la femme devait partir comme à Lubumbashi, afin de pouvoir continuer ses études. Et avant de se séparer, ils ont résolu de faire un pacte de sang. Ils ont dû faire jouer un pacte de sang. Celui qui va se séparer de l'autre vivra un malheur continuel. Et ils ont fait ce pacte de sang. Quelques années après, la fille a fini ses études. La relation n'allait plus trop bien. Elle rencontre quelqu'un dans la ville. Un homme posé, stable et très riche. Cet homme décide de l'épouser. Et quand cet homme l'épouse, leur vie avançait très bien. À un certain moment donné, les combats ont commencé. L'homme a commencé à tout perdre. La femme tombe enceinte, une grossesse compliquée. Lorsqu'elle accouche, on dit que l'enfant ne peut pas marcher. Quelques semaines après, on dit aussi que l'enfant est aveugle. L'homme commence à tout perdre. Et ils ont commencé à chercher Dieu. Et quand ils sont allés voir un prophète, Dieu parle au prophète. Dieu ne donne pas tous les détails au prophète. Dieu dit au prophète, la responsabilité de ce qui arrive, c'est un acte que cette femme avait posé il y a 18 ans passé. Et quand le prophète pose la question à la femme, la femme met la main sur la tête. Elle pouvait avoir des promesses. Il pouvait être destiné à vivre heureux. Mais certains actes qu'ils ont posés sont devenus des dettes et des sanctions pour eux. Voilà pourquoi il faut constamment demander la miséricorde de Dieu. Voilà pourquoi il faut constamment dire à Dieu, aie pitié de moi pour les engagements que je n'ai pas tenus, pour des semences que j'ai nourries dans mon esprit qui peuvent être des blocages pour m'empêcher d'avancer. Personne n'avait dit à Gédéon que Dieu les avait abandonnés. Mais Gédéon va lui-même conclure, Dieu nous a abandonnés. Personne n'avait dit à Gédéon qu'il était disqualifié. Mais lui-même est appelé à conclure. Je prie ce soir que la miséricorde de Dieu vienne vers toi. Dieu aurait pu laisser Gédéon, parce que Gédéon avait fait tellement de mauvaises choses. Sa pensée était tellement erronée. Mais la grâce de Dieu l'avait localisé. Je prie ce soir pour quelqu'un. Que la miséricorde de Dieu, que la grâce de Dieu, qu'elle puisse se localiser. Je dis qu'elle puisse se localiser. Là où tu es conscient d'avoir fait du mal, là où tu es conscient d'avoir contracté certaines choses qui t'empêchent à te déployer, qui empêchent Madian à tomber, que Dieu ait pitié de toi. Je dis que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Donne-moi un bon amen. Le deuxième dette spirituelle qui peuvent être des obstacles et des montagnes, c'est les dettes qu'on contracte contre nous. C'est les actes qu'on pose contre nous. La Bible déclare au début de ce chapitre, alors qu'Israël était en train de s'aimer, ce genre de dettes, ce sont les dettes les plus injustes. Alors qu'Israël était en train de s'aimer, Madian, Amalek et une autre nation s'est levé pour venir détruire. Et s'ils détruisent la semence, tu ne peux jamais récolter. Il y a des gens qui ne vivent pas la percée. Il y a des gens qui demeurent pauvres comme la maison de Gédéon, parce qu'il y a des choses qui ont été contractées contre eux. La terre est une terre des méchants. La terre est une terre des méchants. Il y a, alors que tu dors et tu te réveilles, Il y a quelque part au bout du monde où on attend des mauvaises nouvelles pour toi. Israël était en train de s'aimer. Madia était en train de détruire. Ils ne l'ont pas fait un an. Ils ne l'ont pas fait deux ans. Ils ne l'ont pas fait trois ans. Ils ne l'ont pas fait quatre ans. Ils ne l'ont pas fait cinq ans. Ils ne l'ont pas fait six ans. Ils l'ont fait sept ans. Il y a des gens qui vivent une pauvreté continuelle parce qu'on contracte des choses contre eux. On prend des résolutions contre eux. La Bible est en train de lire Acte 23. Alors que Paul était encore en prison, les gens étaient en train de jeûner et de prier. La Bible dit au moins 40 personnes ont résolu de jeûner et de prier, de faire des imprécations jusqu'à ce que Paul mourra. Tu imagines le degré de méchanceté. Ils disent on ne va pas manger, on ne va pas boire jusqu'à ce qu'il va mourir. Frère, tu n'as aucune idée de ce que dans le monde des ténèbres les gens sont en train de calculer, de ce que dans les combats de tes origines, ce que les gens sont en train de se dire. Voilà pourquoi quand on te dit viens mouli ma trans, c'est parce qu'on est conscient qu'il y a des choses qui sont faites contre nous qu'on doit aplanir. Parce que c'est notre responsabilité. Je prie dans ce moulin matrans, les choses qui ont été contractées contre toi puissent être aplanies au nom de Jésus. Que toute entité démoniaque, que toute sorcellerie de famille qui tentera de toucher à ta vie, qu'il meure comme une correction et une leçon à tous les autres. Je dis que ceux qui vont te combattre, que Dieu les tue, que les séjours des morts les rencontrent vivants. Je dis que les séjours des morts les rencontrent vivants. Il y a des choses que tu vis, tu ne comprends pas. Ce n'est pas toi. Quelque part, il y a des choses qui se font. Quelque part, il y a des choses qui se contractent. Il y a quelques années, j'étais en France. À une période donnée, j'ai passé par un temps de grande sécheresse. C'était très difficile financièrement. Et plus j'étais en train d'évoluer dans ces difficultés, j'apprenais auprès de mon frère. Lui aussi traversait les mêmes problèmes. Lui aussi traversait la même sécheresse. J'apprends auprès de mon autre frère. Lui aussi passe par des temps difficiles, a perdu le travail. Dans la même période, mon père m'appelle. Il me dit que lui aussi il est en difficulté. Je me suis dit ce n'est pas normal. Quel même problème s'attache à tous les hommes de la famille. Je suis allé chercher Dieu. J'ai dit si cette sécheresse me cherche, je ne suis plus là où il me cherche. Si cette sécheresse cherche ma famille, je disparais là où on me cherche. J'ai cherché la face de Dieu. J'ai élevé des autels. La sécheresse, à l'heure où je vous parle, elle ne connaît plus mon adresse. Elle ne connaît plus où j'habite. Je prie pour quelqu'un dans ce moulin matrans, que tu prennes des grandes résolutions qui va éloigner la sécheresse. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'ai dit dans ce moulin matrans que tu prennes des grandes résolutions qui va éloigner la sécheresse. Au nom de Alléluia. Alléluia. Chose qu'on contracte contre toi. Qu'est-ce que Gédéon a fait pour se retrouver dans la maison la plus petite de Manassé? Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver dans cette famille pauvre? Qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver dans une famille où les mariages sont difficiles? Derrière des questions qui n'ont pas de réponse se trouve un hôtel qui n'est pas encore renversé. Derrière des questions qui n'ont pas de réponse se trouve un hôtel qui n'est pas encore renversé. Et le troisième type de dette, ce sont les dettes des sangs. et les dettes d'origine. Cette catégorie de dettes, c'est une dette qui ne joue pas. Et Dieu ne joue pas avec ça. C'est le type de défi que Abraham a connu. Et c'est le type de défi que Gédéon a connu. Lisons rapidement Deutéronome 23. Deuxième et troisième verset. Mon Dieu. Nous lisons au nom de Jésus. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'entrera point. Même sa dixième génération ne va pas entrer. C'est une malédiction qui se prononce dans l'atmosphère, dans la vie de ceux qui sont nés d'une union illicite. Et cette malédiction dit quoi, homme de Dieu? Jusqu'à la dixième génération, personne ne va entrer dans la maison de Dieu. La version, une version hébraïque dit, personne ne va jouir au privilège de Dieu. La malédiction est relâchée. Continue le texte. Suivez très bien. Verset 3. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et les Moabites ne vont pas entrer. Même à la dixième génération et à perpétuité. Même à la dixième génération et à perpétuité veut dire jusqu'à la fin de leur vie. Une malédiction qui te libère sur une lignée jusqu'à la fin de ta vie. Et ici, lorsqu'on parle de la dixième de génération, la malédiction de 10 générations, on parle de la malédiction de la maison de Judas. Judas est le fils de Jacob. Mais Judas est aussi une tribu des promesses. Judas et la tribu qui avait reçu quelle promesse? La promesse de sortir dans ses seins une lignée royale. La destinée de Judas, c'est la destinée de la royauté. Mais Judas s'est retrouvé dans la malédiction parce que Judas a eu un enfant avec Tamar. Tamar qui était sa belle-fille. Et ça fait que cette union illicite a engendré une génération maudite. Vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi Saül est devenu roi alors que Saül était de la tribu de Benjamin? La tribu de Benjamin n'était pas une tribu royale. C'est parce qu'au moment où Saül existait, Judas était sous la malédiction. La tribu de Judas a connu exactement la même malédiction. Si vous lisez la généalogie de Judas dans Matthieu 1, à partir du deuxième verset, vous allez comprendre que les 10 générations de Judas n'ont pas hérité de la royauté. Quoi qu'ils avaient une promesse de Dieu à cause des combats des origines. Frère, j'aimerais qu'on les lise très bien. Oh mon Dieu. Matthieu 1. Généalogie de Judas. On y va rapidement. Matthieu 1. Généalogie de Jésus. Fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas et ses frères. Ça commence ici. On commence. Vous allez m'aider à compter. On y va. Judas engendra des Tamar, Pharez et Zara. Pharez engendra Hezrom. 2. Hezrom engendra Aram. 3. Aram engendra Aminadab. 4. Aminadab engendra Naasson. 5. Naasson engendra Salomon. 6. Salomon engendra Boaz de Rahab. 7. Boaz engendra Obed de Ruth. 8. Obed engendra Isaïe. 9. Isaïe engendra David. C'est la 10e génération où la royauté est revenue chez Isaïe. Lorsque Dieu était en train de dire à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe pour oindre David, Dieu était en train de lui dire: la malédiction est finie, la royauté revient chez Juda. Parce qu'avant que la royauté revienne, la malédiction a demeuré. Dans ces 10 générations, même s'il y avait des ambitieux, des sciences politiques, aussi longtemps que cette malédiction n'était pas ôtée, aucun d'eux n'allait devenir roi. 10 générations, c'est 250 ans en moyenne. Pendant 250 ans, une famille ne peut pas vivre une certaine chose. Parce qu'il y a une malédiction qui est rattachée. Il y a des choses dans ta famille. Si tu ne les renverses pas, ça va demeurer autant des années. La force que tu as, la force que Dieu te donne, il les donne d'abord pour renverser l'autel de ta famille. Afin que ce qui était continuel puisse toucher à sa fin. Donne-moi un amen bien. Que Dieu utilise sa force pour que la malédiction soit ôtée. Et c'est dans cette période que ceux qui n'étaient pas censés devenir rois, Benjamin engendre un roi. Alors qu'il n'était pas destiné à devenir roi. Frère, ne joue pas avec la malédiction. Tu peux être seul qui postule dans un poste. Tu es seul qui fait l'entretien. Mais parce que tu as la malédiction, on te dit le poste est déjà pourvu. Ne joue pas avec la malédiction. La malédiction peut être quelque chose qui peut te sanctionner toute ta vie sans te rendre compte. Il y a des saisons comme des saisons de moulin matrans où tu dois observer les choses qui ne marchent pas et te lever et dire: je dois les renverser. Et te lever et dire: je ne peux pas les laisser avancer. Je ne peux pas les laisser continuer. Frère, la malédiction va t'humilier. Un jour, un frère, il faisait des marches de voyage, ça ne marchait pas. Dans leur famille, personne n'a voyagé. Et un jour, il rencontre quelqu'un de bon cœur qui lui dit: je vais te faire du bien. Je fais toutes les démarches pour toi, tu vas aux États-Unis. Et le jour où il doit faire l'interview à l'ambassade, il se dit: en tout cas, je vais sortir très tôt pour arriver à l'ambassade avant et attendre. À 4h du matin, il sort avec son passeport. Il avait rendez-vous à 7h. Comme il faisait un peu noir, il a dit: je vais un peu courir jusqu'à l'arrêt des bus. Et pendant qu'il est en train de courir, un groupe de jeunes sortait d'une boîte de nuit. Quand ils les voient en train de courir, ils ont commencé à crier: Moïbi. Au voleur, Moïbi, Moïbi, Moïbi. On les suit, lui aussi il a commencé à fuir. Ces jeunes-là l'attrapent, on a commencé à les tabasser. Quelqu'un appelle la police. La police vient, la police l'arrête. On l'amène au Sousiat. On dit: reste là, attends l'OPJ à 8h30. Lui, il avait rendez-vous à 7h. 8h30, l'OPJ est venu. On l'a interrogé. On a compris que c'était une incompréhension. Il arrive à l'ambassade. L'ambassade lui dit: tu es venu en retard. Il a supplié l'ambassade. On a dit: tu es venu en retard, prends les rendez-vous pour l'année prochaine. Il retourne à la police. La police lui fait un document. Et quand il va à l'ambassade à nouveau, il remet le document de la police. L'ambassade lui dit: viens demain. Demain, il va à l'ambassade. Il reçoit les visas. Il dit: comme j'ai reçu le visa, demain je dois déjà partir. Il dort, il met son passeport dans l'étagère. Le matin, il se réveille. Il va toucher les passeports. Il sent vraiment les dents d'une souris dans les passeports. Une souris a mangé la page d'identité et la page du visa. la malédiction, ça va te donner des réalités humiliantes. À l'heure où je suis en train de vous parler, cet homme n'a jamais voyagé. Ce problème a engendré un autre problème. Ce problème là a engendré un autre problème. Et il n'est jamais entré. Parce que aussi longtemps qu'une malédiction est sur ta vie, quel que soit ce que tu peux faire, la malédiction va te résister. Et la Bible va plus loin. Judas était une malédiction de 10 générations. Mais quand on parle de la Monite et de la Moabite, là c'est encore grave. Qu'est-ce que la Bible dit? Deutéronome 23:3. La Bible dit la Monite et la Moabite, eux ne vont pas bénéficier des avantages jusqu'à la 10e génération, mais aussi à perpétuité. C'est-à-dire que tous leurs fils, ils ne vont jamais jouir à certaines choses. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un mourir 80 ans, célibataire, sans enfant, sans parcelle. Ne joue pas avec ça. Il y a des gens qui ont des malédictions à perpétuité. Une malédiction de la maison de son père s'est levée à perpétuité. Vous ne savez pas qui a fini les études dans votre famille. Tous ceux qui commencent doivent arrêter. Tous ceux qui commencent doivent s'écouter. Tous ceux qui se marient doivent divorcer. Même la personne la plus sage de la maison finit par divorcer. Même la personne la plus intelligente de la famille finit par connaître des temps difficiles. Le frère dont j'avais donné le nom, il est de l'église? Hein, il est là? Oh mon Dieu. Alors que je suis en train de parler de ces choses, je suis dans sa famille. Des familles où tu peux monter, mais tu sens comme des pesanteurs. Si possible, appelez-le, je veux prier pour lui. Tu sens comme des choses. Et s'il n'est pas loin, qu'il se déplace. Parce que c'est le Dieu de cette alliance qui est en train de venir à son secours. Alléluia. La Monite et la Moabite n'entreront pas à perpétuité. Tout ce que vous pouvez faire, ça serait difficile. Comme ce fut le cas de la famille des généraux. Aucun repère de quelqu'un n'est prospère. Aucun repère de quelqu'un n'évolue. Le complexe qu'avait Gédéon, c'est parce que dans sa famille, il n'y a jamais eu de vaillant héros. Le complexe qu'avait Gédéon, c'est parce que dans sa famille, il n'y a jamais eu des gens élevés. Il y a des complexes que tu peux avoir. Parce que dans ta famille, il n'y a personne qui est arrivé à ce niveau. Tu n'imagines pas qu'un jour tu peux être chef d'État. Tu n'imagines pas qu'un jour tu peux être millionnaire. Parce qu'il y a un combat qui a englouti toute la famille. Oh, mais j'aime Dieu et j'aime la Bible. Et la Bible est en train de dire, malgré que Moab était sous la malédiction, malgré que Moab avait une malédiction à perpétuité, il y a eu dans Moab ceux qui ont fait exception. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans toutes les règles établies par les hommes, il existe la loi de l'exception. Je suis en train de dire à Gédéon, même si tu es le plus petit de ta maison, même si ta famille est la plus pauvre de Manassé, il existe la loi de l'exception. Je dis, il existe la loi de l'exception. Et la Bible déclare, dans Moab, il y avait quelqu'un qui n'est pas mort dans la malédiction, qui porte même le nom de ma femme, qu'on appelle Ruth la Moabite. Elle était de Moab, mais elle n'a pas subi la malédiction de Moab. Tu peux être d'une famille maudite et ne pas subir la malédiction de ta famille. Tu peux être d'une famille pauvre et ne pas subir la pauvreté de ta famille. Tu peux être d'une famille de la stérilité et toi Dieu t'es démarqué. J'ai dit et toi Dieu t'es démarqué. La Bible déclare, Après que Naomi ait perdu son mari et ses enfants, elle a laissé les rentrer à Bethléem parce qu'elle aurait appris que l'Éternel visita Bethléem. La Bible déclare, parmi les gens qui étaient avec lui, il y avait aussi une fille de Moab qu'on appelle Ruth la Moabite. Ruth a compris un principe. Il est possible de naître dans la malédiction, mais ne pas finir dans la malédiction. Il est possible de naître dans les problèmes et ne pas finir dans les problèmes. Il est possible, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe, il est possible de naître à Likasi et de mourir et vivre à Miami. Il est possible de commencer selon les choix des hommes et de finir selon les choix de Dieu. Donne-moi un amen bien. La Bible déclare, Ruth a compris un principe. Un principe fondamental qui amène les montagnes à s'aplanir. Ruth a dit, Naomi, je sais une chose. Tel que tu es là, tu n'es pas n'importe qui. La Bible est en train de dire, Ruth fait alliance avec Naomi. Parce que l'une des choses qui peut aplanir la montagne, c'est aussi la puissance de l'alliance. La puissance de l'alliance a la capacité d'aplanir la montagne. Peut-être dans ta famille, il n'y a jamais eu d'entrepreneur. Mais à cause de l'alliance avec notre Père, il y a des choses qui vont sortir en toi. Peut-être que dans ta famille, il n'y a jamais eu de pasteur. Mais à cause de l'alliance, aïe, aïe, aïe, aïe, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. À cause de l'alliance, les choses peuvent encore bouger. Ruth a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Le Dieu de papa désiré sera mon Dieu. Le Dieu des sources fécantes sera mon Dieu. Je suis dans une famille de la sorcellerie, mais je me greffe à la source féconde. Je suis dans une famille de complications, mais je me greffe à l'alliance de mon Père. Je prie pour une fille d'alliance. Je prie pour un fils d'alliance. Je prie pour toi ce soir. Que l'alliance crie pour toi. Là où il y avait la malédiction, que la bénédiction frappe à ta porte. Là où il y avait la sorcellerie, Ayamalabasatalavaya. Là où il y avait la sorcellerie, que l'alliance crie pour toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je prie au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, que la vie crie pour toi. Là où il y avait les manques, que la victoire crie pour toi. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. L'alliance a plani les montagnes. J'ai dit l'alliance a plani les montagnes. J'ai dit l'alliance a plani les montagnes. Même si ta famille est la plus petite des Manassé, je te parle de l'alliance qui change de vie. J'ai dit, je te parle de l'alliance qui change de vie. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez que Josué ne s'est jamais appelé Josué? Est-ce que vous savez que le nom de Josué, ce n'était pas son nom? Nombre 13:8. C'est là où on trouve son nom. Son nom d'origine n'a jamais été Josué. La Bible va dire ceci. Le nom de cet homme, c'était qui? Le nom de cet homme, c'est qui? Les frères. Pour la tribu d'Ephraïm, Osée. Aïe, aïe, aïe. Fils de Nun. Osée s'appelle. Josué ne s'appelait pas Josué. Josué s'appelait Osée. Osée veut dire puissant sauveur. Mais le problème de Osée, il était puissant sauveur par l'identité. Mais il était fils de Nun. Or, Nun veut dire celui qui vit dans l'eau. Il avait une grande destinée. Mais sa lignée était une lignée des esprits des eaux. Gédéon aussi venir, celui qui fait tomber. Mais le problème de Gédéon, il était dans une lignée de pauvres. Mais la Bible va dire ceci. Comme tu t'appelles Osée, et que tu es rattaché à un esprit des eaux et que j'ai destiné à changer ta vie et que les jours qui te sont destinés sont inscrits dans mon livre de vie. Je dois te connecter à une autre personne qui lui ne veut pas dire homme des eaux, mais qui lui dans sa définition veut dire tiré des eaux, qu'on appelle Moïse. Si ton père vit dans l'eau, je te connecte à celui qui a vaincu l'eau. Si ton père vit dans la pauvreté, je te connecte à celui qui a vaincu la pauvreté. Si dans ta famille il y a le chômage, je te connecte à celui qui a vaincu le chômage. Si dans ta famille il y avait le manque, osez, je te connecte à l'abondance. Je dis, je te connecte à l'abondance. Et lorsque Moïse te rencontre, Moïse a dit, on ne t'appellera plus Osé. On t'appellera Josué, qui veut dire, c'est Dieu qui sauve. Tu t'appelais Osé, mais je mets ma divinité en toi. Tu t'appelais Osé, j'insère ma divinité en toi. Voilà pourquoi l'alliance a pris Osé comme un esclave, a fait de lui serviteur de Moïse, a fait de lui chef de l'armée d'Israël, jusqu'à l'amener sauveur des enfants d'Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'alliance va te démarquer. Je dis, l'alliance va aplanir les montagnes. L'alliance va créer une nouvelle trajectoire. L'alliance va frayer un nouveau chemin. J'ai dit, l'alliance frayera un nouveau chemin. L'alliance frayera un nouveau chemin. Tu as commencé comme Osée, tu finiras comme Josué. Tu as commencé comme esclave, tu vas finir comme un prince. Tu as commencé comme le plus petit. Aïe, ah, mon frère, homme de Dieu, alors que vous êtes en train de mettre cette offrande, le Seigneur est en train de venir, dis-lui que je visite sa maison. Je vis un cycle de 10 années, c'est clôturé. Et un nouveau cycle commence. Je ne sais pas, vous avez déjà 10 ans de mariage? Vous avez fêté vos 10 ans en quelle année? En quelle année? C'est la 10e année de mariage. Acclamons l'Esprit des dieux. J'ai vu un cycle, c'est fermé. Et un nouveau cycle commencé. Mais c'était un cycle de la transe des 10. Le Seigneur m'a dit à mon serviteur, j'ouvre un nouveau cycle. Cette offrande va amener de l'abondance dans sa maison. Cette offrande va amener de l'abondance dans sa maison. Je ne suis pas seulement en train de l'amener de l'abondance à la maison. Je suis en train de remodeler l'éclat de sa femme. Je suis en train de la mettre en avant. Je suis en train de l'exposer dans les nations. Et le Seigneur m'a dit qu'il sera en train de le faire. Ainsi m'a parlé Dieu. Je prie pour quelqu'un ce soir. Que l'alliance se démarque. J'ai dit que l'alliance se démarque. Que l'alliance te donne ce que la maison de ton père ne t'a pas donné. Que l'alliance te donne ce que la maison de ton père ne t'a pas donné. Là où tu vivrais dans la pauvreté. Là où tu vivrais au plus bas. À cause de l'alliance. L'alliance qui vient aplanir les montagnes. L'alliance qui vient ressortir la force. L'alliance qui vient amener les déploiements. L'alliance qui vient changer l'histoire. Il a commencé comme un esclave. Il a commencé dans les pleurs. Il a commencé dans les difficultés. Mais demain il est devenu sauveur d'Israël. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené dans cette église. Je dis, ce n'est pas en vain que Dieu t'a amené dans cette église. Toute cette nuit j'étais dans la présence de Dieu. Et le Seigneur n'a cessé de me dire, je fais une alliance de l'entrepreneuriat avec cette église. Dans cette église sortira des grands hommes d'affaires. Dieu m'a dit, je fais une alliance d'entrepreneurs avec cette église. Dans cette église sortira des grands hommes d'affaires. Dans cette église sortira des notables de la ville, des notables de la région. Les hommes élevés il y aura toutes les couches. Et alors que j'étais en train de prier, Dieu me montre plusieurs couches. J'ai vu des médecins, j'ai vu des avocats, j'ai vu des politiciens, j'ai vu plusieurs couches. Mais Dieu m'a dit, je fais une alliance ici dans ces lieux. une alliance de prospérité. Et tous ceux qui s'attacheront à cette maison, les manques ne connaîtront pas leur adresse. Dieu m'a dit, tous ceux qui s'attacheront à cette maison, les manques ne connaîtront pas leur adresse. Dieu m'a dit, je fais une alliance avec cette maison. À moins que tu ne sois pas des sources fécondes. La fécondité, c'est ton partage. J'ai dit, à moins que tu ne sois pas de cette église. Si tu es de cette église, si tu es fils et fille de cette alliance, la fécondité, c'est ton partage. Dieu m'a dit, c'est une église de l'endroit des entrepreneurs. C'est l'église des références. Je bénis Dieu pour toutes les églises de l'ICAC. Mais je sais une chose, qu'il y a quelque chose de particulier que Dieu a fait avec cet hôtel. Je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu de la ville. Je bénis Dieu pour tous les hommes de Dieu du Katanga. Mais Dieu m'a parlé cette nuit au sujet de son serviteur. Il m'a dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose que j'ai déposé dans sa vie. Tous ceux qui s'attacheront à lui vivront ces choses. Tous ceux qui s'attacheront à sa lignée, ils vont vivre ces choses. Et ils vont vivre ces choses pour eux. Et ils les vivront aussi pour leur maison. Il y a des choses qui vont vous arriver à cause de l'alliance. J'ai dit, il y a des choses qui vont vous arriver. Ça ne sera pas vos efforts. Il y a des montagnes qui vont s'aplanir. Juste parce que vous êtes au contact d'une onction. Juste parce que vous êtes au contact d'une onction. Juste vous êtes au contact d'un hôtel ancien. Juste parce que vous êtes au contact d'un hôtel différent. L'alliance porte. J'ai dit l'alliance porte. Celle qui était maudite à perpétuité est entrée dans la lignée de Jésus. Celle qui était maudite à perpétuité est devenue l'ancêtre de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette parole hier a bouillonné mon cœur. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Rien n'est fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Je vois des montagnes s'aplanir. Je vois les montagnes de la sécheresse s'aplanir. Vous avez du mal à nouer le debout du mois. Vous avez du mal à vous en sortir. Ce soir, c'est un culte d'alliance. Ce soir, c'est un culte d'alliance. J'ai dit, ce soir, c'est un culte d'alliance. Alliance veut aussi dire rupture. Ce soir, c'est un culte de rupture. Il y a quelque chose qui doit être aplané. J'ai dit, il y a quelque chose qui doit être aplané. Nous montons à Moulima 30 à la fin de cette année. Parce que 2026, je l'ai dit au début. Aïe. C'est une année différente. On te demandera comment tu as fait. On te demandera comment tu as fait. On te demandera qu'est-ce qui t'arrive. On te demandera pourquoi tu vis cela. On te demandera, mes frères, on était avec toi à Likasi. On a étudié avec toi à Lubumbashi. Comment ta vie a pris cette vitesse? On te demandera, ma soeur, tu n'es pas d'une famille connue. Au commis, moi, c'est président Ndengenini. Au commis, moi, c'est ministre Ndengenini. Au commis, moi, c'est Mbongo Ndengenini. Au commis, homme d'affaires Ndengenini. Tu leur diras, il ne s'agit pas de moi, c'est l'alliance de Dieu. Il ne s'agit pas de moi, c'est l'alliance de Dieu qui change d'esclave et fait de lui un prince. Qui change d'esclave. Mais fais de lui un prince. Je vois Dieu élever un prince ce soir. Je vois Dieu élever un prince ce soir. Je vois Dieu élever un prince ce soir. Je vois Dieu élever un prince ce soir. Je vois Dieu élever un homme d'alliance. Un homme de différence. Si c'est de toi dont je parle, tiens-toi sur tes deux pieds. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont t'arriver. Tu vas être surpris. Il y a des choses qui vont t'arriver. Tu te demanderas, est-ce que c'est moi? Tu te demanderas, être ce moi? Ce soir, je veux prier pour tous les entrepreneurs. Si tu es dans les affaires, tes affaires doivent exploser. Si tu es dans les affaires, tes affaires doivent décoller. Il y a quelqu'un qui doit être au fond de la salle. Je suis en train de voir au fond de la salle. Je vois un nom comme le nom de Bombay. Je ne sais pas si au fond de la salle. C'est vous. Acclamez le Seigneur. Je suis en train de prier ce soir. Je prie pour tous les entrepreneurs. Là où les choses étaient limitées. Là où il y avait des seuils et des barrières. Que les barrières soient brisées. Là où il y avait des choses qui n'avançaient pas. Que la force qui est en vous puisse exploser. Alléluia. Je suis en train de prier pour quelqu'un. J'ai dit que la force puisse exploser. J'ai dit que ta force puisse exploser. Que les montagnes de la sécheresse soient planées. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les gens. Le Dieu de notre Père est aussi notre Dieu. Ce que Dieu fait avec lui, il le fait aussi avec nous. Tu ne me donnes pas un bon amen. Tu ne me donnes pas un bon amen. Tu ne me donnes pas un bon amen. Je suis en train de voir la faveur de Dieu sur votre vie. Alors que je suis en train de parler et que je voyais ce nom au fond de la salle, j'étais en train de me retrouver dans une vision. Et dans la vision dont j'étais en train de voir, je suis en train de vous voir entrer dans une pièce. Vous entrez dans une pièce et aussitôt vous sortez. Vous entrez dans une pièce et aussitôt vous sortez. Et le Seigneur est en train de me dire: j'ai déposé quelque chose d'authentique dans sa vie. Authentique. Et je suis en train de voir comme une entreprise. Vous avez une société. Hein? Je vois quelque chose comme une société. Et je suis en train de voir cette société avoir comme des portes ouvertes devant, avoir comme des portes ouvertes devant la société. Mais les portes où tu entres et tu sors. Ce n'est pas en 2025 que Dieu te parle de cela. Je vois un très fort esprit d'hésitation, mais qui provient des combats de ces noms-là. Est-ce que dans cette pièce-là, il y a quelqu'un qui a un nom ou un lien avec le nom de Chinkobu dans la pièce à l'intérieur là-bas? Hein? Hein? Vous étiez à l'intérieur là-bas? C'est vous? Avancez rapidement. Acclamez l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la première fois que Dieu dépose cela dans votre cœur. Mais je vois comme un combat. Alors que j'ai parlé de la tribu de Manassé, j'ai vu aussi un Manassé dans votre famille. Manassé, c'est qui? Parce que je suis en train de voir dans mon esprit, c'est comme les mais ils portent le même nom. Je vois des gens qui ont comme des projets d'entrepreneurs, mais avoir comme des hésitations. Ils peuvent se dire: je commence et il sort. Je commence et il sort. Et c'est comme quelque chose qui en réalité combat la prospérité dans la famille. Vous pouvez avoir des idées, des bonnes idées. Vous êtes très brillant, très intelligent. Et quelqu'un que Dieu va faire beaucoup de bien. Mais il y a comme une résistance qui empêche une certaine constance dans le monde des affaires. Parfois, vous avez une procrastination dont vous ne savez pas décrire. Vous pouvez commencer quelque chose, à un moment donné, vous vous arrêtez. Et c'est un sentiment qui n'a pas de raison. Vous savez c'est quoi? C'est la voix du sang. Cette voix qui crie, te dit: tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Frère, Dieu va te bénir. Amen. Je suis en train de voir dans mon esprit. Voici comment le Seigneur va te bénir. Tu seras en train de gérer ce qui n'est pas à toi. Amen. Et la fidélité que tu auras dans ce qui n'est pas à toi fera en sorte que quelqu'un décide de t'offrir quelque chose. Amen. Qui va te donner une grande vitesse. Amen. Et une grande stabilité. Yes. Amen. Sois fidèle. Je ne sais pas ce que tu fais. Amen. Mais sois fidèle. Yes. À ce qui n'est pas à toi. Amen. Ta prospérité ne va pas provenir de ta sueur. Yes. Ça va provenir d'une générosité. Amen. Et Dieu change ta vie ce soir. Amen. Ta vie prend une autre vitesse. Je loigne toute forme de procrastination, des combats qui te font reculer, des combats qui t'amènent à ne pas vivre des grandes choses, que ces combats tombent au nom de Jésus. Amen. Je dis que ce combat tombe au nom de Jésus. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, tu es un grand homme. Yes. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Amen. Mais même lorsque tu pries, combat cet esprit de famille. Amen. Qui amène les gens à rester toujours au plus bas, alors que tu es censé être au plus haut. Amen. Je prie que Dieu fasse du bien à quelqu'un ici. Amen. Je dis, je prie que Dieu fasse quelqu'un du bien ici. Là où les combats de ton nom te réclament, que Dieu t'élève. Là où les combats de ton nom te réclament, que Dieu te démarque. Là où les combats de ton nom te réclament, que Dieu t'amène une grande délivrance. Que Dieu t'amène une grande délivrance. Frère, tu ne vas pas perdre les choses. Tu ne vas pas perdre les choses. Tu ne vas pas perdre les choses. Amen. Tu ne perdras pas. Là où il y a des combats, des pertes, toi, tu ne vas pas perdre. Je suis en train de me retrouver dans mon esprit. Et je suis en train de voir. On est comme en train d'appeler un numéro de téléphone. Mais le numéro de téléphone qu'on est comme en train d'appeler, c'est un numéro de téléphone qui commence par 09 90 436. Je cache les trois derniers. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est le numéro de téléphone de qui? C'est mon numéro de téléphone. Clamons l'Esprit de Dieu. Mais ces coups de fil est en train de retentir dans un endroit. Je ne sais pas si je vais bien prononcer, mais je me retourne à un endroit qu'on appelle. J'ai peur de prononcer K. Kampumpi, on le dit comme ça, hein? Kampumpi. Et j'entends, on t'appelle à partir de là. Ça vous dit quelque chose? Oui. Il y a quoi là-bas? C'est là que je réside. Et c'est là qu'il y a un peu mes activités. Je suis en train de voir, on vous appelle. Vous êtes comme à l'église. Mais ce téléphone est en train de sonner dans cette pièce-là. C'est pour cela que je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce-là? On est en train de te dire, il y a des choses qui sont en train de brûler. Les choses sont en train de brûler, la maison brûle, mais bizarrement au même moment, la pharmacie a aussi brûlé. Les affaires ont aussi brûlé. Et la personne qui est en train de vous appeler doit s'appeler Sophie. Sophie, c'est qui? C'est ma femme. Et Dieu m'a dit, annonce-lui qu'il ne va pas perdre les choses. Amen. Que l'esprit de perte qui le cherchait ne le cherchera pas. Dieu ne va pas t'amener à perdre, mais Dieu va t'amener à multiplier. Amen. Je prie ce soir pour quelqu'un. Que là où il y avait la perte, que tu amènes la multiplication. Tu ne me donnes pas un bon amen. Tu ne me donnes pas un bon amen. Tu ne me donnes pas un bon amen. Là où il y avait la perte, que tu amènes la multiplication. Frère, ainsi me parle Dieu. 2026, c'est l'année de l'expansion. Je vis d'autres activités souffrir. Le Seigneur va te faire grâce de commencer même à voyager. Je te vois en Turquie, je te vois à Dubaï, je te vois en Chine. Et tes activités s'étendent parce que Dieu se souvient de ta fidélité pour son serviteur. Je prie au nom de Jésus que la fidélité de Dieu... Va voir le bishop rapidement. Que la fidélité de Dieu te paye. Tu ne me donnes pas un amen. Je dis que la fidélité de Dieu te paye. Je ne sais pas à qui je suis en train de prophétiser. Je dis que la fidélité de Dieu puisse te récompenser. Que la fidélité de Dieu puisse te récompenser. Je décrète et je déclare, là où il y avait la sorcellerie, là où il y avait la mort, que la fidélité te récompense. Je dis que la fidélité te récompense. L'autel de la sécheresse sera aplani. L'autel de la sécheresse sera aplani. Au nom de Jésus, Dieu sort ton nom du lot. J'ai dit, Dieu sort ton nom du lot. Dieu sort ton nom du lot. Là où l'ennemi était en train de comploter, la Bible déclare, alors qu'Israël s'aimait, Amalek venait écraser. Et c'est ce que j'ai fait dans sa vie. Il a eu des saisons où il a s'aimé. Amalek est venu écraser. Il a eu des saisons où il a s'aimé. Amalek est venu écraser. Et j'ai vu en cette fin d'année un malheur tragique vouloir l'arriver. Mais à cause de sa présence. Voilà pourquoi si tu sers Dieu, ne le fais pas à la légère. S'il n'était pas dans cette pièce-là, peut-être que les yeux de Dieu n'allaient pas le voir. C'est dans son service que Dieu est venu à son secours. Je prie ce soir, dans ton service, que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours. Que Dieu vienne à ton secours. Kalabasata lavaya. Kalabasata lavaya. Quelle est cette montagne qui ne peut pas tomber? Je viens comme prophète de Dieu pour te dire que ça tombera. Quelle est cette montagne qui ne peut pas tomber? Je viens comme prophète de Dieu pour te dire que ça tombera. Montagne à Seliba et Gokoya. Montagne à Passi et Gokoya. Montagne à Koufa et Gokoya. Quelle est cette montagne? Quelle est cette montagne? J'ai dit ça tombera. Ce frère là est là. Ah là là-bas, j'ai dit ça tombera. Ce soir, Dieu délivre ton nom de famille. Frère, tu étais où? Hein? Eh hey, mon Dieu. Yes. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? J'avais un travail. J'ai travaillé un TP. Regarde comment le travail allait te faire rater la bénédiction. Dans des temps comme ça, même si tu trouves un moyen d'être là. Trouve un moyen d'être là. Je suis en train de prier que Dieu te fasse grâce. Amen. Que Dieu te donne la victoire. Amen. Je prie pour tout un chacun ici. Que le Seigneur vous démarque. Amen. Je prie pour un type de famille. Une famille où il y a toujours un schéma qui se répète. C'est un schéma. On finit les études. On est intelligent, on est brillant. Mais on se retrouve en train de faire ce pourquoi on n'a pas étudié. C'est ça. Vous êtes intelligent dans votre famille. Il y a des gens qui sont très intelligents dans leur famille. Mais il y a un mauvais schéma diabolique qui est comme une montagne de sécheresse. Les gens peuvent finir les études, aller faire des plus grandes études, mais se retrouvent comme en train de faire autre chose que ce pourquoi ils avaient fini. C'est la nuit de ta délivrance. C'est la nuit de ta délivrance. Amen. Tu es un jeune très intelligent. Tu sers à l'église. Tu sers ici. Oui. Je prie pour tous ceux qui servent ici. Amen. Que les schémas de famille soient brisés. Au nom de Jésus. Je dis que les schémas de famille soient brisés. Amen. Il faut beaucoup lire des livres des managers. Ok? Toi, tu dois beaucoup lire. Ok? Lis beaucoup de livres de leadership, des managers. Lis ces livres-là. Lis les livres de leadership, des managers. Achète des livres comme devenir riche. Achète beaucoup de livres. Lis beaucoup de leaders. Lis des leaders qui ont géré plusieurs firmes. Ok? Toi, tu as un sang royal. Mais tu dois beaucoup lire. Parce que je suis en train de voir, on est en train de déposer quelque chose dans ta tête. Mais ça provient comme de la lecture. Lis beaucoup. Tu ne vas pas gérer une société, deux sociétés. Tu vas gérer plus de 10 sociétés. Mais lis beaucoup. Quand tu as dit Amen, tu m'as dit, dis-lui de beaucoup lire. Qui se donne à beaucoup, lis beaucoup sur les leaders. Ta vie, tu vas voir comment les choses vont changer. Je prie que Dieu prépare quelqu'un à la royauté ici. Je dis que Dieu prépare quelqu'un à monter. Mon frère, je dois prier pour toi. Donne-moi même un billet d'argent dans mon porte-monnaie là. Je vais prier pour toi. Je vais te donner cet argent. Tu fais tout ce que tu veux. Mais ça sera pour toi un point de contact de différence. Ça sera pour toi un point de contact de délivrance et de liberté. Amen. Tu es très intelligent et tu ne peux pas te retrouver dans les prochaines années en train de souffrir. Amen. Parce qu'il y a un schéma familial. Amen. Je ne dis pas tu es intelligent pour te plaire. Tu es intelligent. Amen. Tu étais même lauréat. Amen. Hein? Amen. Tu étais lauréat à l'examen d'État. Je suis dans une école qu'on appelle Louchoise. Oui, j'étais là-bas. Hein? J'étais là-bas, c'est des éloges. C'est là où tu as fini. Oui. Tu as fini, tu étais lauréat. Non, on n'avait pas dit ça. Hein? Non. On ne t'avait pas dit ça, mais qui avait 65%? Qui avait 65%? 65, c'est bon. Hein? C'est bon. Qui avait 65%? C'est bon. Oh, mais comment tu cherches? Vous étiez à 3. Parce que dans votre classe, vous étiez à 19. Oui. Dans votre promotion. Amen. Vous étiez à 19. Il y avait 13 garçons et 6 filles. Amen. Hein? Amen. Vous étiez 3 à avoir 65%. Il y avait Rigen. Rigen? Okay. Il y a Rigen, c'est un de tes collègues. On étudie ensemble. Rigen, Moutoum, quelque chose comme ça. Oui. Rigen et puis Paul. Dans votre liste de l'examen d'État. Rigen, Paul. Après Paul, c'était toi. Amen. Et les trois derniers, il y avait comme Arsène, Hans. Amen. Hein? Amen. Et les trois premiers avaient 65. Amen. Les trois derniers avaient 54%. Amen. Et tous les 19, vous avez réussi. Amen. Acclame bien l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas seulement été lauréat des examens dans ta classe, tu es aussi lauréat dans ta famille. Je prie pour un lauréat de famille ici. Amen. J'ai dit, je prie pour un lauréat de famille ici. Amen. J'ai dit, je prie pour un lauréat de famille ici. Amen. Le Dieu de cet hôtel va changer ta vie. Amen. Le Dieu de cet hôtel va changer ta vie. Amen. Toi, tu vas vivre une vie différente. Amen. Même les schémas de comment tu vas grandir, ça va être différent. Amen. Parce que je ne vois pas seulement les schémas des gens qui font ce pourquoi ils n'ont pas étudié, mais je vois aussi des enfants qui grandissent sans père. Des enfants qui grandissent, mais ils grandissent loin de leur père. Et je peux comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton enfance qui a un lien avec ça. Et Dieu m'a dit, ce soir je vais réparer tout ça, parce que je suis en train de voir une femme à côté de toi. Je vois une femme, mais je ne vois pas un père. Yes. Et la femme qui est de l'autre côté de toi doit s'appeler Bernadette. Bernadette Iemba Samba. Et je vois que tu es en train vraiment de prier, Seigneur, fais-moi grâce et rendre cette femme fière. Elle a beaucoup souffert pour moi. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour moi. Frère, tu ne vas pas seulement la rendre fière. Tu vas rendre toute ta famille fière. Le Jésus qui est prêché ici dans cette église, c'est le Jésus qui va changer ta vie. Je parle à quelqu'un ce soir. Que le Jésus de cette alliance soit le Jésus qui change ta vie. Je dis que le Jésus de cette alliance soit le Jésus qui change ton histoire. Je dis qu'il va changer ton histoire. Tiens cet argent. Que mon Dieu change ta vie. Que la sécheresse s'éloigne. Que la sécheresse s'éloigne. Que la sécheresse s'éloigne. Que tu vis dans l'abondance. Que tu vis dans la personne. Au nom de Jésus. Ah, tiens-toi debout sur tes deux pieds. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tiens-toi debout, acclame Jésus. Qu'un victorieux se tient debout. Qu'une victorieuse se tient debout. Ah, tiens-toi debout, acclame Dieu. L'histoire de ta famille est en train de changer. Tu vas vaincre ta famille. Et tu vas vaincre Mathien. Acclame, acclame, acclame. Pousse un cri de guerre. Pousse un cri de guerre. Ah, commence à prier en même temps. Prie, prie, frappe les mains, J'entends les chaînes tomber. Fais tomber les chaînes, fais tomber les montagnes. Aplanis les montagnes, aplanis. Jésus. Prie avec foi et force au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que les montagnes qui s'élevaient dans ma vie, que les montagnes qui s'élevaient dans ma famille, s'aplanissent au nom de Jésus. Que les chaînes qui se sont élevées, ces chaînes sont brisées. Ces chaînes sont brisées. Les montagnes de la sécheresse, les montagnes de la petitesse, ça tombe ce soir. Les montagnes de la pauvreté, les montagnes du célibat, les montagnes de la pauvreté, les montagnes du divorce, les montagnes de l'échec, les montagnes de la... J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. tes deux pieds. Tu n'es pas venu ce soir seul. Tu as amené ta famille ce soir. Ta famille est ici dans cet hôtel des dieux. La victoire de ce soir, c'est la victoire de toute une famille. J'ai dit la victoire de ce soir, c'est la victoire de toute une famille. Comme ce fut le cas de David, le nom de ton père entrera au palais à cause de toi. J'ai dit le nom de ton père entrera au palais à cause de toi. Que les combats des origines qui t'ont déjà rongé, ou qui t'attendaient dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, ne rencontrera jamais ton adresse. J'ai dit ça ne rencontrera jamais ton adresse. Ça ne rencontrera jamais ton adresse. Quelles que soient les flèches, ces flèches tombent au nom de Jésus. Maman, je suis en train de voir, on vous a comme jeté une flèche au pied. Et le Seigneur est en train de me dire qu'il vous accorde la victoire. J'ai vu des douleurs de pied, mais j'ai compris que c'était une flèche. Vous avez des douleurs au pied? Ça fait combien de temps? Ça fait très longtemps. C'est comme quelque chose, mais qui date de très longtemps. Mais qui provient des origines. Ce soir, ces douleurs disparaissent. Que Dieu fasse disparaître les combats des origines. J'ai dit que Dieu fasse disparaître les combats des origines. Que Dieu fasse disparaître les combats des origines. Tiens-toi debout sur tes deux pieds. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Tu vas faire une offrande prophétique. Cette offrande sera pour toi un autel et une semence. Dans la maison de Dieu. C'est un axe que tu es en train de poser. Donnez-moi les enveloppes ici. C'est un axe que tu es en train de poser dans la maison de Dieu. Le bishop m'a pas demandé de le faire. Mais je l'ai senti dans mon esprit. Ce que tu vas faire ce soir, si ça achète un micro, si ça achète quelque chose, ça va crier aussi pour ta vie. Le domaine du monde spirituel, c'est un domaine de sacrifice. On ne peut pas parler de la spiritualité sans parler du sacrifice. Il y a des choses qui demeurent dans des familles. Il y a des choses qui demeurent dans des vies. Donnez-moi ces enveloppes. Parce que il y a quelque chose qui a été fait. Je ne suis pas là pour te manipuler. Je suis là pour t'amener à la victoire. Je suis là pour amener ta vie à une grande vitesse. Le Seigneur ne m'a pas donné de montant. Mais tu vas faire un sacrifice. Ce sacrifice doit être ta plus grande offrande de cette année. Une offrande que tu n'as pas fait depuis le début de cette année. Je peux prier pour cela. Notre papa va aussi prier pour cela. Que ça puisse crier en ta faveur. Que ça puisse amener dans ta vie des choses que tu n'as jamais imaginées. Que ça puisse renverser ce qui était érigé depuis longtemps. Et que ça te donne la victoire. Si cette offrande nourrit un orphelin, si cette offrande aide à acheter des produits pour nettoyer l'église, crois-moi de tout cœur, ça va crier pour toi. Si cette offrande va pour la cause du royaume, le ciel va crier et quelque chose va arriver dans ta vie. Après cette offrande, les dieux de cet hôtel feront en sorte qu'il y ait un avant et un après dans ta vie. Je parle comme prophète de Dieu. Je connais le monde spirituel. Je connais les principes spirituels. Il y a des gens qui vivront des déblocages juste après avoir posé cet acte. Ce n'est pas tout le monde qui vont faire ce sacrifice. C'est une catégorie de personnes qui ont compris pourquoi Dieu envoie ce genre de messages. Je parle de la part de Dieu. Toute la nuit, je priais. Je préparais autre chose. C'est 4 heures ou 5 heures après que Dieu me dit change de message. Parce que je veux sauver une famille. Je suis à l'hôtel, je ne mens pas. Et c'est comme ça que j'ai changé de message. Si ta famille se retrouve dans ce contexte, c'est pour toi que Dieu m'a réveillé la nuit. Et c'est pour toi que Dieu m'a envoyé ici. Tu veux faire une offrande sacrificielle de 500, de 1000, de 200, de 2000. Viens prendre cette enveloppe de mes mains. Descends, de tout ce que Dieu dépose dans ton cœur. Mais si pour toi c'est un sacrifice, tu le prends et tu peux le donner maintenant, tu peux l'amener demain jusqu'à dimanche. Merci papa. Viens le prendre de mes mains. Si ce n'est pas un sacrifice pour toi, ne le prends pas. Ça doit être un sacrifice pour toi. Ça doit toucher ton cœur et ça touchera le cœur de Dieu. La saison est en train de changer. Tout ce que Dieu te met dans le cœur, 5 000, 10 000, 20 000, 200, 300, si c'est pour toi un sacrifice, tu le donnes à Dieu. Tu dis c'est l'offrande de ma famille. C'est l'offrande de la délivrance. C'est l'offrande de la liberté. Amenez-moi dans ton vélo. J'entends les chaînes. De la mort, les chaînes de la maladie, les chaînes de la dépression, les chaînes du chômage, les chaînes de la mort. J'entends les chaînes, j'entends les chaînes, j'entends les chaînes tomber. Oh, enveloppe. C'est l'enveloppe de ta famille. Tu vas faire une prière avec moi. Ces enveloppes, nous amenons ça. Soit ce vendredi ou ce dimanche. Soit ce vendredi. Soit ce vendredi. Ou ce dimanche. À partir de vendredi, je veux commencer à prier pour ces personnes bien précises. Et dimanche, je prierai aussi. L'instruction est simple. Ça doit être ta plus grande offrande de l'année. Une offrande que tu n'as pas encore donnée à Dieu. Et je suis convaincu que Dieu va faire des grandes choses. Tiens ton enveloppe et prie avec moi au nom de Jésus. Seigneur, je prends cet engagement afin de porter ma famille. Par cette offrande, tu as plani la sécheresse. Par cette offrande, tu as plani les schémas maléfiques. Au nom de Jésus. Une fois qu'elle sera sémée, j'appelle une moisson rapide. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? C'est toujours bien. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a des choses que nous gagnons. Et il y a des temps où il faut rester connecté à l'Esprit de Dieu. Nous allons faire notre offrande pendant qu'on continue de chanter ce cantique. Et après, je vous donne le communiqué par rapport à notre programme. Donc à 12h30 nous sommes en prière. Je bénis le Seigneur pour ceux qui étaient là aujourd'hui. Nous avons prié jusqu'à 13h30-45 par là. Et nous nous retrouvons encore le soir. Nous continuons à chercher le Seigneur. Mettez aussi un panier là-bas rapidement pour gagner le temps. Et soyons là demain. Et après nous allons vous donner un autre programme. Que Dieu vous bénisse la chorale. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Oh oui, j'entends les chaînes. Les chaînes de la mort tombent, j'entends les chaînes. Oh, mignon, l'on les envoie, j'entends les chaînes tomber. De la puissance dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus. Bénissons ces offrandes et tous ceux qui sont souvenus de toi. Que ta grâce soit sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, 12h30, nous avons prière. Demain, c'est déjà jeudi. La semaine est en train d'aller très vite. Vendredi et samedi matin, nous avons notre masterclass à 8h30. C'est un enseignement qui va prendre les aspects spirituels et l'entrepreneuriat. Et je prie le Seigneur que nous sommes connectés à cette onction. Et comme toujours, nous allons donner les certificats pour ceux qui vont assister à ce module-là. Et le soir, il y a l'équipe d'éducation chrétienne pour le travail avec les couples, les fiancés et tout cela. Donc voilà notre programme de la semaine. Et nous allons terminer dimanche avec une grande célébration. L'apôtre rentre à Paris le lundi et nous continuons la troisième semaine de Moulima 30. J'ai l'impression que décembre est en train d'aller très vite. Alors toi aussi accélère la vitesse pour ne pas perdre, pour rattraper ce qui a rattrapé toute l'année. Seigneur, je bénis tes serviteurs. Je bénis cette soirée. Je le commande entre tes mains. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain.